Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un autre humoriste belge, monsieur Gaëtan Delferrière. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Merci. Ça va bien ? Ça va et toi ? Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. T'avais ma mère en otage, je pouvais que dire oui. Hein. D'ailleurs, t'inquiète pas, je la relâche juste après le podcast. Putain, merci quoi. Mais il faut que l'anecdote soit marrante. 3 semaines de tension quoi. L'anecdote doit être à la hauteur parce que sinon, d'accord, ta mère, tu peux l'oublier. Ok, c'est pour ta maman. Et ben, du coup, j'étais à Charleroi, je commençais le stand-up. Et du coup, moi, je suis bruxellois, donc je faisais que du stand-up à Bruxelles. Ça passait très bien, j'étais très content. Je m'étais pas encore tapé de bide. Tu sais, quand tu commences et tu dis, ok, en fait, j'ai tout compris. C'est bon, j'ai compris le stand-up. C'est facile le stand-up. C'est bon, j'ai déverrouillé l'humour, je sais comment faire. J'ai percé le secret. Et puis j'ai été à Charleroi pour une scène voilà, que je ne vais pas nommer parce que du coup. D'accord. Mais quelqu'un de très cool qui gère cette scène. Ouais, et ouais. Alors, du coup, il me dit ouais, voilà, tu vas voir, on va faire ça dans un théâtre et tout. Je me dis ah, un théâtre trop bien, etc. Et puis il me dit surtout, n'hésite pas, ils ont beaucoup d'autodérision à Charleroi et c'est vrai. C'est vraiment des gens, tu peux te moquer d'eux, ils savent très bien où ils vivent, etc. Les Carolos, ils aiment bien quand on les taquine c'est un peu. C'est ça, c'est ça. Du coup, moi je dis ok, je me gonfle, ok, j'ai mon opener, ça va être trop bien, etc. etc. J'arrive, en fait, on joue pas dans le théâtre, on joue dans la buvette du théâtre et il y avait 15 personnes. Ouais. Du coup, il me fait Gaëtan, tu passes en premier. Je fais oh, ok, d'accord. Puis juste après moi, il y avait un mec qui était habillé en prêtre. J'étais ah, ok, d'accord, ça va être ce genre de soirée, très très bien. Et donc, du coup, il m'introduit, il fait genre, voilà, c'est Gaëtan, il paraît qu'il est marrant, Gaëtan. Puis j'arrive, et puis je dis, c'est là que je trouve encore drôle, mais qui n'a enfin, ça, j'arrive et je dis, voilà, à Bruxelles, on se moque beaucoup de Charleroi, et je comprends pas pourquoi. À Bruxelles, on dit des trucs pas gentils, on dit que vous n'avez pas l'électricité et que vous faites l'amour avec vos parents, alors qu'on sait très bien que vous avez l'électricité. Et pas du tout. Et c'est là, et oh le bruxellois. Et alors là, c'était 10 minutes de tunnel, et ça m'a bien appris oh là là. Que je n'avais rien compris au stand-up finalement. Et voilà. Ah bah écoute, malheureusement, le bide, c'est un passage obligatoire, et on y passera tous encore. On y est déjà tous passés, on y passera tous encore. Hein. C'est vrai, c'est une chanson de Laurent Voulzy, ça d'ailleurs. Ah bon. Non, je sais pas. Ah bah écoute. Ça ressemble à des paroles de Laurent Voulzy. Peut-être, je sais pas. Bon, c'est en passé, tout cas. On y passera tous. Écoute, Laurent, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu, on va faire galère de chanteur aussi, ça peut être pas mal. En tout cas, merci beaucoup, Gaëtan. Donc, avant de récupérer ta mère, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur Instagram et sur Facebook, c'est Gaëtan DLF. DLF, d'accord. Ok, bah écoute, avec plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.